Hey, I can't find nothing on the radio. Restez chez vous. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. La mécanique des ondes. Confiné. Bienvenue dans une nouvelle mécanique du confinement. C'est comme la mécanique des ondes que vous connaissez déjà, mais à la maison et pour parler de radio-travail. Dans ce nouveau volet, on va retrouver, et là je pense qu'on peut le dire, une vraie passionnée de radio confinée. Vous allez comprendre pourquoi. Une fois n'est pas coutume, la mécanique sort de Paris pour se connecter avec Lyon en compagnie de Manilam Mao. Bonjour. Bonjour Eddy, bonjour tout le monde. Alors, on le sait, on est tous enfermés chez nous, d'ailleurs on le redira jamais assez, hein. Restez chez vous. Alors, toi aussi tu es confiné, mais alors pas chez toi, hein. C'est là que c'est original. Toi, non, c'est dans ton lieu de travail, à la radio, donc la radio c'est Lyon Première. Oui, en effet, je suis installée en fait au studio de Lyon Première dans le 7e arrondissement depuis le lundi 16 mars, je crois, maintenant, et j'entame ma 5e semaine de confinement. Alors, ça pourrait presque faire une émission de télé-réalité, dit comme ça. On peut le dire, ouais. C'est ça. Sauf qu'il n'y a pas de caméra. Non, mais blague à part, et c'est ce que je disais avant qu'on lance le podcast. Ce qui est amusant, moi, c'est que ça me fait penser aussi à certains films, comme par exemple Good Morning England, c'est le premier qui me vient. J'adore ce film, Eddy. Ouais. Et avec toute une bande de disques jockeys qui vivent ensemble dans le même bateau avec leur studio de radio. Ça rappelle un peu Radio Caroline, hein, la fameuse. Et c'est vrai qu'on est un petit peu dedans. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens quand je lisais les articles qui te présentaient un petit peu ta situation. Alors, la première question que moi, j'ai envie de poser là tout de suite, c'est pourquoi ce choix? Pourquoi s'enfermer à la radio qui t'emploie? Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons déjà. Pour plein de raisons, à vrai dire. Tout simplement parce que je ne voulais pas me mettre en danger. Je ne voulais pas mettre les autres en danger. Déjà, premièrement, faire des allers-retours pour moi, c'était pas concevable parce que je risquais d'être contaminée et de contaminer les personnes qui vivent avec moi ou avec qui je travaille. Et ensuite, la deuxième raison, c'est pour ne pas abandonner la radio. Je me voyais mal confinée à la maison, chez moi, enfermée à ne rien faire. Et je me voyais pas non plus faire des allers-retours tous les jours. Donc du coup, la meilleure solution pour assurer la matinale entre 7h et 10h, c'était de venir m'installer au studio de Lyon Première pour garder le lien, le contact avec tous nos auditeurs et leur donner la parole. Et alors la grille, du coup, a subi beaucoup de changements, hormis la matinale? Alors, le seul changement qu'il y a au niveau de la matinale, c'est qu'on donne beaucoup plus la parole aux gens, aux associations, aux particuliers qui offrent leur aide aussi à leur niveau. Et c'est ça qui est extraordinaire et qui est incroyable. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont besoin de s'exprimer, de partager leur coup de gueule par rapport au confinement ou aux personnes qui ne respectent pas le confinement, par exemple. Et j'ai l'impression que les auditeurs ont vraiment besoin de s'exprimer. Même en dehors des émissions, ils nous appellent, hein. Ils m'appellent là au studio, même le samedi, même le dimanche, même les jours fériés. Et je trouve ça vraiment extraordinaire, Eddy. C'est un peu le rôle aussi d'une radio de proximité, comme Lyon Première, qui, tout est dans le nom, est une radio locale lyonnaise. C'est ça, oui, complètement. On l'a toujours été, de toute façon. On a toujours été une radio de proximité. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on l'est encore beaucoup plus en temps de guerre. C'est ça, oui, c'est vrai. Bah, on est en guerre, hein, le président l'a dit. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu parfois à l'oublier. Et alors, du coup, une journée type confinée à Lyon Première, comment tu t'organises, du coup? Alors, je me lève un peu plus tard, déjà, d'une part. Je me lève une demi-heure. Je me lève à 5h30, tout simplement. Et j'ai des rituels. J'ai besoin de rituels. Me lever, faire ma toilette, m'habiller aussi, c'est super important. Ne pas traîner en pyjama. Prendre mon café et puis m'installer au bureau pour travailler, pour préparer la matinale. Et ensuite, durant l'émission, entre 7h et 10h, ça passe à une vitesse folle, mais vraiment folle. Ben forcément, quand on est passionné, le temps passe très très vite. Et puis après, on s'occupe, on fait ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on check nos mails, on répond au téléphone, on prend des rendez-vous aussi. Et qu'est-ce qui change? C'est que Parfois, on travaille un peu plus, on est un peu plus en contact aussi avec les gens. Le téléphone sonne beaucoup plus longtemps, beaucoup plus. Les gens ont besoin vraiment, vraiment de parler. Hein. C'est dingue. Et ce qui change, c'est que je ne sors pas. Je reste ici. Je fais un peu de sport, un peu de yoga, de la méditation. Je lis beaucoup. Et ce qui a aussi changé, c'est que j'ai renforcé mes amitiés. J'ai renforcé aussi mes relations professionnelles avec mes collègues de travail avec qui on est régulièrement en contact, quotidiennement en contact, que ce soit par SMS, par mail ou par téléphone ou en visio. Et j'ai l'impression que cette épreuve, justement, nous montre le bon côté des personnes, le meilleur des gens. Mmh. J'ai vraiment cette impression-là. Alors, bien sûr, ça montre aussi le pire aussi des gens, mais j'essaie vraiment de faire abstraction à tout ça. Et de ne pas me laisser polluer, on va dire. Surtout en ce moment, il y a besoin. Surtout en ce moment. Il faut rester positif, se focaliser sur ses objectifs, sur son bien-être. C'est très important. Ouais. Et ne surtout pas perdre confiance. C'est très important. Mais alors du coup, donc tu es enfermée à la radio, mais donc tu es toute seule. Mais il y a quand même des personnes de l'équipe de temps en temps qui peuvent passer. Non, t'es bon. Alors je suis seule sans être seule. Mon collègue journaliste Amaury Maigret vient tous les jours à 6h du matin pour assurer le flash, et ensuite il repart en fin de matinée. Donc c'est pour cette raison-là aussi, je pense que les matins se passent très très. C'est pour ça que les matins passent très très vite, je pense aussi. C'est parce que je ne suis pas seule. Et puis les après-midi, écoute, je passe des coups de fil, je travaille, je lis, je fais ma vie comme d'habitude. Là, par exemple, là, tu vois, je suis sur le balcon, je prends le soleil. D'accord, ouais, c'est pour ça que j'entendais un peu de vent en fond. Là. Ouais, c'est ça. Ah, là aussi. Et alors, du coup, ce confinement en studio, je suppose que tu le vis plutôt bien, du coup. Alors oui, je le vis bien parce que je relativise et parce que je suis très bien entourée. Mmh. Mais c'est un travail de tous les jours. Hein. Ouais. Je suis un être humain, j'ai aussi mes faiblesses. Et heureusement que mon collègue Amaury est présent tous les jours, parce que toute seule, mais vraiment toute seule, je ne sais pas si j'y arriverai, à vrai dire, Eddie. Il y a mes autres collègues aussi qui m'appellent, qui prennent des nouvelles pour savoir si je vais bien. Ils essaient de me divertir, de me changer un peu les idées, de me raconter des bêtises aussi parfois. Et puis il y a mes amis, ma famille aussi. Heureusement, certes, c'est virtuel, mais leur présence et leur solidarité aussi à leur niveau, ça fait du bien aussi. Mais j'ai pas à me plaindre, Eddie. Je suis dans un 100 mètres carrés, j'ai de l'eau, j'ai de l'électricité. Je suis en sécurité aussi. Je relativise dans le sens où il y a des personnes qui sont dans des situations beaucoup plus catastrophiques que ça. Je pense aux SDF, aux personnes qui sont dans les EHPAD, par exemple. Même les personnes en Inde, ils sont confinés, entassés dans des endroits c'est vrai. Qui paraissent irréels aussi. Et puis, en Afrique, il y a des personnes qui meurent de faim. Sincèrement, j'ai pas à me plaindre, Eddie. Ouais, c'est vrai. On pense à eux, bien évidemment. Mais bien sûr. J'ai de la chance. Et les personnes qui sont entourées de leurs proches, qui sont chez eux en sécurité, ils ont aussi beaucoup de chance. Mmh. Mais alors, s'il te manquait quelque chose en particulier, là, dans cette période. Oh, une salle de bain. Oh, un bon bain bien chaud, tu sais. Oh là là, c'est ce qui me manque. Je pense que c'est ce que je ferais en premier. Rentrer chez moi, prendre un bain, voir mes colocs et ensuite prendre une valise pour rejoindre ma famille à Strasbourg. Alors Strasbourg, justement, alors tu me dis si je fais erreur, mais Strasbourg, c'était tes premiers pas radiophoniques là-bas, non ? Oui, j'ai débuté à Strasbourg, en effet. J'ai débuté au sein de la radio, une radio associative, c'est la radio RBS. Donc c'est Stéphane Bossler, le directeur d'antenne, qui m'a donné ma chance. J'ai débuté avec lui en tant que chroniqueuse au tout début. Et puis après, j'ai laissé tomber. Et on a gardé contact. Je bossais aussi à côté en tant que commerciale, en tant que chargée de projet événementiel, aussi dans la finance. Et puis Stéphane me recontacte et me propose une émission sur la radio RBS, qui était une chance incroyable à l'époque. Et donc j'ai animé une tranche horaire entre 18h et 19h sur RBS tous les vendredis, la première année. Et puis après, je suis passée deux nuits, entre minuit et 6h du matin, tous les jours du lundi au dimanche. Ah, et donc là, déjà, donc tu as vécu le rythme de Noctambule avant de vivre le rythme de Matinalia. C'est ça, complètement. Quasiment. J'étais un oiseau de nuit, on va dire. Et alors, comment tu t'es retrouvée, du coup, aujourd'hui à Lyon 1ère ? Oh là là, mon Dieu, Eddie, c'est une longue histoire. J'ai quitté Strasbourg pour aller à Toulouse pour faire une formation pour compléter mes compétences dans la communication digitale. Donc, je me suis retrouvée à Toulouse pendant 4 mois où j'ai fait une formation. Et à l'issue de cette formation, il fallait que je fasse un stage. Et moi, dans la tête, je voulais faire cette formation tout simplement pour rentrer dans une radio en tant qu'animatrice radio. Parce qu'un animateur radio aujourd'hui a besoin de communiquer sur les réseaux sociaux. Mmh. Et donc, j'ai fait mes demandes un peu partout, dans toutes les radios qui m'intéressaient. Et un ami, Sébastien Chinet, qui bosse d'ailleurs sur RFM à Lyon, m'a envoyé une annonce en me disant que Lyon 1ère recherchait des nouveaux talents. Alors, j'ai envoyé ma candidature. Ma candidature a été réceptionnée par Romain Mazodier. Romain Mazodier m'a appelé, m'a dit on a passé un entretien. Il m'a recruté en 2 coups de fil, en 2 coups de téléphone. Il m'a même pas rencontré. On a juste eu un énorme bon feeling au téléphone. Donc, à la fin de ma formation, je suis allée à Strasbourg, j'ai récupéré des affaires et j'ai débarqué à Lyon pour commencer une très, très belle aventure sur Lyon 1ère. Et qui t'amène aujourd'hui à être enfermée donc dans les studios de la radio, à faire vivre voilà, la radio quasiment donc, tous les jours. C'est ça, vivre à 100% dans une radio extraordinaire. Alors là, tu réalises le rêve de plusieurs passionnés de radio. C'est ça, complètement. Mais alors, par contre, être enfermé dans un studio ne veut pas dire y faire tout ce qu'on veut, bien sûr. Oui, bien sûr, complètement, malheureusement. Même si j'aurais bien voulu de temps à autre changer la programmation, qui est déjà très très bien à la base. Mais il m'est arrivé 2-3 fois de changer la programmation et je ne recommencerai plus, Eddie, parce que c'est pas bien. Voilà. Tout dépend des titres après. C'est ça. Mais du coup, tu restes en contact donc régulièrement avec ton responsable antenne, la direction. Oui, tous les jours. Qui te donne les grandes lignes à chaque fois, non, je pense. Pour faire un petit check, pour me demander si tout se passe bien, pour prendre des nouvelles, pour me faire sourire, pour m'aérer l'esprit, pour parler de bêtises, de tout, de rien, de boulot bien évidemment, mais d'une façon plus solidaire, on va dire, en mode guerre. Non, mais c'est bien, c'est agréable. C'est ça apaise un peu. Alors du coup, à part la radio, le reste du temps, comment tu t'occupes ? Est-ce que tu aurais un petit conseil à nous donner, un coup de cœur, série ou autre ? Alors, pour rien te cacher, on a une télé à la radio, mais je viens tout juste de l'allumer il y a peu de temps. Ah. Il y a très peu de temps, parce que je ne regarde pas la télé. Moi, je suis une fille de la radio. Donc, les 3-4 premières semaines, j'écoutais Lyon 1ère, mais H24, même en dormant. Juste pour te dire. Et puis à un moment donné, j'avais besoin d'autres choses. Et puis du coup, je me suis fait une playlist spéciale confinement sur une plateforme de streaming. Et je fais beaucoup de méditation aussi, quelques exercices de yoga aussi. Je lis beaucoup sur le développement personnel, sur la créativité, sur le journalisme aussi. Sur comment mieux communiquer aussi, parce que je ne perds pas de temps lors de ce confinement. Je pense qu'il faut s'enrichir aussi bien spirituellement que intellectuellement. Enfin, c'est ma vision, hein, c'est ma façon de faire, c'est ma façon d'être. Mmh. Donc voilà, je m'occupe comme je peux avec ce que j'ai. Donc parfois, je prends même des bains de soleil sur le balcon, en écoutant de la musique, en lisant, ou tout simplement en regardant le panorama qui s'offre à moi de Lyon. Donc prendre le temps pour soi, hein, ce sera le mot d'ordre, on dira, de ce confinement. Et prendre soin de soi aussi, c'est très important. Ouais. Et on a le temps, en plus. On a le temps. C'est ça. Alors, juste pour finir, Manilam, alors, étant donné que tu n'es jamais venu dans la mécanique des ondes, de Lyon à Paris, forcément, oui. Ça fait un certain trajet. Du coup, je te propose de terminer en essayant de te connaître un peu radiophoniquement parlant. On a un rituel dans l'émission en temps normal qui est le questionnaire rapide que je te propose. Oh mon Dieu. Tout va bien se passer. Oh mon Dieu. Je te demanderai juste, comme à chaque invité, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, on y va. Une personnalité de radio qui pourrait être ton modèle? Steve Wagner. Steve Wagner, c'était un ancien animateur qui faisait les matinales sur Top Music il y a des années. Il est passé directeur aussi à une époque. Et là, en fait, aujourd'hui, il travaille dans le marketing à Strasbourg. Alors, Steve Wagner, non seulement c'est un animateur qui est extraordinaire, qui est incroyable, et en plus, j'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai même eu la chance de travailler pour lui lors d'une foire à Haguenau, la foire du printemps. Et j'ai eu l'opportunité, on va dire, de prendre le micro lors de son salon. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Et c'est un homme extraordinaire qui a énormément de qualités, aussi bien professionnelles que humaines. Mmh. Voilà. On a bien fait de le préciser. Et on le salue s'il nous écoute. Quelle radio résumerait ton enfance et ton adolescence? Ah, mais c'est Top Music à Strasbourg. J'adore cette radio. Mais je suis née avec. Je me réveillais avec et je dormais avec Top Music. Quelle radio te réveille le matin? Ah bah c'est Lyon Première. Oui, alors là, il n'y a aucun doute, c'est Lyon Première. Quelle radio t'endort le soir? Ah, c'est Lyon Première aussi. Alors, un endroit où tu écoutes toujours la radio? Alors, je dirais les studios de Lyon Première, mais aussi la voiture. Un endroit où tu ne l'écoutes jamais? Très bonne question. Quand je suis en famille ou quand je suis avec mes amis. Ton meilleur souvenir de radio, à part celui que tu vis en ce moment? Oh, j'en ai plein. Eddie, j'en ai des tonnes. Mes souvenirs de radio. Bon, allez, le premier qui vient, de tête. Oh, en fait, j'en ai plein. Ce sont les rencontres que j'ai pu faire en radio. Toutes les rencontres, que ce soit au téléphone ou en vrai ou en face à face. Je rencontre des gens extraordinaires depuis le début de mon aventure, depuis que je suis en radio. Le pire souvenir? Oh, les problèmes techniques. Je déteste les problèmes techniques. Je déteste ça. Voilà, ça c'est comme ça c'est dit. Et enfin la dernière, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio? C'est une longue histoire là du coup. J'ai demandé à Romain Mazodier comment est-ce qu'il faisait pour recruter des animateurs radio. Il m'a dit leur personnalité, et je suis complètement d'accord avec vous. Restez vous-même. Vous allez peut-être galérer à trouver un poste en tant qu'animateur radio ou en tant qu'animatrice radio, mais ce n'est pas grave. Restez vous-même. Une radio doit vous accepter tel que vous êtes, avec votre personnalité, avec vos qualités, avec vos défauts, avec votre voix et avec votre prénom, surtout. Si quelqu'un vous demande de changer votre prénom, c'est mauvais signe. C'est ce qui fait un peu, tout ça, ça fait un peu une force, on dira. C'est ça. Restez vous-même, vous êtes de belles personnes et vous allez forcément trouver votre place. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va refermer cette mécanique confinée depuis Lyon Première. Manila Mao, merci à toi de t'être prêté au jeu. Merci Eddy, merci à vous, merci à tout le monde. Et donc on te retrouve donc sur Lyon Première à Lyon 90.2 et sur le DAB+ entre 6h et 10h, hein, c'est ça? Entre 7h et 10h du lundi au vendredi. Et oui, vous pouvez nous écouter en DAB+, sur le 90.2, sur le site internet lyonpremière.fr, mais aussi sur l'application Les Indes Radio.